Chapitre 5. En attendant que montât la concierge, M. Méchinet procédait à un rapide et sagace examen du théâtre du crime. Mais c'est surtout la serrure de la porte d'entrée de l'appartement qui attirait son attention. Elle était intacte, et la clé y jouait sans difficulté. Cette circonstance écartait absolument l'idée d'un malfaiteur étranger s'introduisant de nuit à l'aide de fausses clés. De mon côté, machinalement, ou plutôt inspiré par l'étonnant instinct qui s'était révélé en moi, je venais de ramasser ce bouchon à demi recouvert de cire verte que j'avais remarqué à terre. Il avait servi, et du côté de la cire, gardait les traces du tir au bouchon. Mais de l'autre bout, se voyait une sorte d'entaille assez profonde, produite évidemment par un instrument tranchant et aigu. Soupçonnant l'importance de ma découverte, je la communiquai à M. Méchinet, et il ne put retenir une exclamation de plaisir. « Enfin ! S'écria-t-il. « Nous tenons donc enfin un indice. Ce bouchon, c'est l'assassin qui l'a laissé tomber ici. Il y avait fiché la pointe fragile de l'arme dont il s'est servi. Conclusion, l'instrument du meurtre est un poignard à manche fixe, et non un de ces couteaux qui se ferment. Avec ce bouchon, je suis sûr d'arriver au coupable, quel qu'il soit. » Le commissaire de police achevait sa besogne dans la chambre. Nous étions, M. Méchinet et moi, restés dans le salon, lorsque nous fûmes interrompus par le bruit d'une respiration haletante. Presque aussitôt se montra la puissante commère que j'avais aperçue dans le vestibule pérorant au milieu des locataires. C'était la portière, plus rouge, s'il est possible, qu'à notre arrivée. « Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur ? » demanda-t-elle à M. Méchinet. « Asseyez-vous, madame, répondit-il. « Mais monsieur, c'est que j'ai du monde en bas. »« On vous attendra. Je vous dis de vous asseoir. » Interloquée par le ton de M. Méchinet, elle obéit. Alors lui, la fixant de ses terribles petits yeux gris, « J'ai besoin de certains renseignements, commença-t-il, et je vais vous interroger. Dans votre intérêt, je vous conseille de répondre sans détour. Et d'abord, quel est le nom de ce pauvre bonhomme qui a été assassiné ? Il s'appelait Pigoreau, mon bon monsieur, mais il était surtout connu sous le nom d'Anténor, qu'il avait pris autrefois comme étant plus en rapport avec son commerce. Habitait-il la maison depuis longtemps ? Depuis 8 ans. Où demeurait-il avant ? Rue Richelieu, où il avait son magasin, car il avait été établi, il avait été coiffeur, et c'est dans cet état qu'il avait gagné sa fortune. Il passait donc pour riche. J'ai entendu dire à sa nièce qu'il ne se laisserait pas couper le cou pour 1 million. À cet égard, la prévention devait être fixée, puisqu'on avait inventorié les papiers du pauvre vieux. Maintenant, poursuivit M. Méchinet, quelle espèce d'homme était ce sieur Pigoreau, dit Anténor. Oh, la crème des hommes, cher bon monsieur, répondit la concierge. Il était bien tracassier, maniaque, Grigou comme il n'est pas possible, mais il n'était pas fier, et si drôle avec cela. On aurait passé ses nuits à l'écouter. Quand il était en train, c'est qu'il en savait de ses histoires. Pensez donc, un ancien coiffeur qui avait, comme il disait, frisé les plus belles femmes de Paris. Comment vivait-il ? Comme tout le monde, comme les gens qui ont des rentes, 100 ans, et qui, cependant, tiennent à leur monnaie. Pouvez-vous me donner quelques détails ? « Oh, pour cela, je le pense, vu que c'est moi qui avais soin de son ménage. Et cela ne me donnait guère de peine, car il faisait presque tout, balayant, époustant et frottant lui-même. C'était sa manie, quoi. Donc tous les jours que le bon Dieu faisait, à midi battant, je lui montais une tasse de chocolat. Il la buvait, il avalait par-dessus un grand verre d'eau, et c'était son déjeuner. Après, il s'habillait, ça le menait jusqu'à 2 heures, car il était coquet et soigneux de sa personne plus qu'une mariée. Sitôt paré, il allait dîner dans une pension bourgeoise, chez les demoiselles Gommet, rue de la Paix. Après son dîner, il courait prendre sa demi-tasse et faire sa fine partie au café Gerbois. Et à 11 heures, il rentrait se coucher. Enfin, il n'avait qu'un défaut, le pauvre bonhomme. Il était porté sur le sexe. Même souvent, je lui disais, À votre âge, n'avez-vous pas de honte ? Mais on n'est pas parfait, et on comprend ça d'un ancien parfumeur qui avait eu dans sa vie des tas de bonnes fortunes. Un sourire obséquieux errait sur les lèvres de la puissante concierge, mais rien n'était capable de dérider Monsieur Méchiné. Monsieur Pigoreau recevait-il beaucoup de monde ? Continua-t-il. Très peu. Je ne voyais guère venir chez lui que son neveu, Monsieur Monistrol, à qui tous les dimanches il payait à dîner chez le père Latuile. Et comment étaient-ils ensemble, l'oncle et le neveu ? Comme les deux doigts de la main. Ils n'avaient jamais de discussion ? Jamais, sauf qu'ils étaient toujours à se chamailler à cause de Madame Clara. Qui est cette Madame Clara ? La femme de Monsieur Monistrol, donc une créature superbe. Défunt le père en ténor ne pouvait la souffrir. Il disait que son neveu l'aimait trop, cette femme, qu'elle le menait par le bout du nez, et qu'elle lui en faisait voir de toutes les couleurs. Il prétendait qu'elle n'aimait pas son mari, qu'elle avait un genre trop relevé pour sa position, et qu'elle finirait par faire des sottises. Même Madame Clara et son oncle ont été brouillés à la fin de l'année dernière. Elle voulait que le bonhomme prêtât 100 000 francs à Monsieur Monistrol pour prendre un fonds de bijoutier au palais royal. Mais il refusa, déclarant qu'on ferait de sa fortune ce qu'on voudra après sa mort. Mais que jusque-là, l'ayant gagnée, il prétendait la garder et en jouir. Je croyais que M. Méchiné allait insister sur cette circonstance, qui me paraissait très grave. Point. En vain, je multipliais les signes. Il poursuivit. Reste à savoir par qui le crime a été découvert. Par moi, mon bon monsieur, par moi, gémit la portière. Ah, c'est épouvantable. Figurez-vous que ce matin, sur le coup de midi, comme à l'ordinaire, je monte au père Anténor son chocolat. Faisant le ménage, j'ai une clé dans l'appartement. J'ouvre, j'entre, et qu'est-ce que je vois ? Oh, mon Dieu ! Et elle se mit à pousser des cris perçants. « Cette douleur prouve votre bon cœur, madame, » fit gravement Monsieur Méchiné. « Seulement, comme je suis fort pressé, tâchez de la maîtriser. Qu'avez-vous pensé en voyant votre locataire assassiné ?»« J'ai dit à qui voulut l'entendre, c'est son neveu, le brigand, qui a fait le coup pour hériter. » D'où venait cette certitude ? Car enfin, accuser un homme d'un si grand crime, c'est le pousser à l'échafaud. Eh, hey, monsieur, qui donc serait-ce ? Monsieur Monistrol est venu voir son oncle hier soir, et quand il est sorti, il était près de minuit. Même lui qui me parle toujours, il ne m'a rien dit, ni en arrivant, ni en s'en allant. Et depuis ce moment, jusqu'à celui où j'ai tout découvert, personne, j'en suis sûr, n'est monté chez monsieur Anténor. Je l'avoue, cette déposition me confondait. Naïf encore, je n'aurais pas eu l'idée de poursuivre cet interrogatoire. Par bonheur, l'expérience de M. Méchiné était grande, et il possédait à fond cet art si difficile de tirer des témoins toute la vérité. « Ainsi, madame, insista-t-il, vous êtes certaine que Monistrol est venu hier soir ?»« Certaine. Vous l'avez bien vu, bien reconnu ?»« Ah, permettez, je ne l'ai pas dévisagé. Il a passé très vite en tâchant de se cacher, comme un brigand qu'il est, et le corridor est mal éclairé. » Je bondis à cette réponse d'une incalculable portée, et m'avançant vers la concierge. « S'il en est ainsi, m'écriai-je, comment osez-vous affirmer que vous avez reconnu M. Monistrol ?» Elle me toisa, et avec un sourire ironique, « Si je n'ai pas vu la figure du maître, répondit-elle, j'ai vu le museau du chien. Comme je le caresse toujours, il est entré dans ma loge, et j'allais lui donner un os de gigot quand son maître l'a sifflé. » Je regardais M. Méchiné, anxieux de savoir ce qu'il pensait de ses réponses. Mais son visage gardait fidèlement le secret de ses impressions. Il ajouta seulement. « De quelle race est le chien de M. Monistrol ?»« C'est un loulou, comme les conducteurs en avaient autrefois, tout noir, avec une tache blanche au-dessus de l'oreille. On l'appelle Pluton. » M. Méchiné se leva. « Vous pouvez vous retirer, » dit-il à la portière. « Je suis fixé. » Et quand elle fut sortie, « Il me paraît impossible, » fit-il, « que le neveu ne soit pas le coupable. » Cependant, les médecins étaient arrivés pendant ce long interrogatoire, et quand ils eurent achevé l'autopsie, leur conclusion fut « La mort du sieur Pigoreau a certainement été instantanée. Donc, ce n'est pas lui qui a tracé ces 5 lettres. Monis, que nous avons vu sur le parquet, près du cadavre. Aussi, je ne m'étais pas trompé. » « Mais si ce n'est pas lui, s'écria M. Méchiné, qui donc est-ce ? Monistrol, voilà ce qu'on ne me fera pas entrer dans la cervelle. » Et comme le commissaire, ravi de pouvoir enfin aller dîner, le raillait de ses perplexités, perplexités ridicules, puisque Monistrol avait avoué. « Peut-être en effet, ne suis-je qu'un imbécile, dit-il. C'est ce que l'avenir décidera. » Et en attendant, venez, mon cher monsieur Godeuil, venez avec moi à la préfecture.